On a eu un appel d'un auditeur, je le remercie. Puis à matin, là, je vais ouvrir les lignes, les courriels, s'il y en a d'autres, go! Ça se passe sur un chantier de construction. Je vais vous dire le courriel qu'on a reçu, et Mathieu Boivin a tout validé avec les confirmations et tout. Mais as-tu là le courriel à l'origine? Bien sûr, je peux te lire. Alors, c'est intégral. Le gars, là, il parle de ce qui se passe sur un chantier à Québec pour un HLM que les travailleurs en reviennent pas. Alors, je nomme pas à sa demande l'informateur qui nous dit « On devrait plutôt s'informer sur le gaspillage qui se fait lors de la construction et la rénovation de certains logements sociaux, ce qui donnerait du budget supplémentaire pour en faire plus ailleurs. Exemple, l'édifice sur Dorchester, près du parc Victoria, qui vient d'être entièrement rénové, ils utilisent des matériaux que l'on n'utilise même pas dans les condos de luxe car ils coûtent trop cher. » Toute la tuyauterie qui a été installée est tout en cuivre, alors que partout, on utilise du PVC. Ce n'est qu'un exemple. Même les ouvriers en sont découragés. Alors, on s'entend que le gars a l'air à travailler dans le milieu, là. Il n'est pas étranger au milieu de la construction. Il connaît ça. Pour bâtir un HLM à Québec, ils mettent des matériaux qu'ils ne mettent pas dans les condos de luxe. Et les travailleurs qui sont là puis qui installent des bâtiments, ils donnent un exemple, en reviennent pas. C'est ça qu'ils mettent ça, du monde qui ne travaille pas. Pourquoi est-ce qu'on lui paye ça? On paye pas ça. Les condos de 500 000 n'ont pas ça. Là, un HLM. Et il donne l'exemple des tuyaux de cuivre. Est-ce confirmé, Mathieu? Oui, absolument. Oui, absolument. J'ai parlé avec M. Claude Foster, qui est le directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec. Et M. Foster avait des points intéressants à faire valoir. OK? A priori, cette histoire-là, on se dit, ma foi, comment ça se fait qu'on paie pour des gens, des logements qui sont, en tout cas, a priori, selon nos informations, de meilleure qualité que ce qu'on vend comme des condos de luxe ailleurs? Oui. OK? Moi, je veux pas que les gens aient moins, mais est-ce que je veux qu'il y ait plus? Ben non, mais c'est ça la question. Tu veux pas qu'il y ait moins. Moi, oui. En termes de sobriété et pas en termes de sécurité, là, on les mettra pas dans une place dangereuse. En termes de qualité, un HLM, faut que ça soit le plus modeste possible. Je comprends. Tu évoques les matériaux les plus cheap, sécuritaires, mais cheap, le moins cher. Rien non. C'est, on lui fait la charité. Bon. C'est sur cette prémisse-là que j'ai interviewé M. Claude Foster, le directeur général de l'Office municipal d'habitation. C'est un peu ça, la question que je lui ai posée d'emblée, M. Foster. Pourquoi est-ce qu'on choisit du cuivre et de la fonte plutôt que des tuyaux en PVC? On tente toujours de regarder qu'est-ce qui est le meilleur coût de revient pour chacun des matériaux. Si on fait l'investissement maintenant, est-ce qu'il va être capable d'être bon pour la durée prévue? On peut pas vendre, nous, demain matin, là, les bâtiments qu'on exploite. Le promoteur, lui, il va tenter le plus possible de dégager une marge de profit, et je le comprends. Dans notre cas, nous, on fait exactement le même calcul du rendement sur l'investissement. Par contre, on va le faire, nous, en fonction pas de la notion de profit, mais de la durabilité. Bon. La durabilité, parce que ces édifices-là, eux, peuvent pas les vendre. C'est pas, je construis au plus sacré une bâtisse, je vends mes condos le meilleur prix possible, puis après ça, je m'en vais, puis débrouillez-vous. Moi, je fais des rénovations. Cet édifice-là, en passant, je vous l'identifie, c'est la Canopée. Effectivement, c'est un édifice qui a été rénové de fond en comble au coin de Dorchester, puis de la rue du Prince-Édouard, un petit peu plus haut là, que le poste de police. Okay? Et le tuyau de cuivre a une durée de vie de 20 ans de plus que le tuyau de PVC? Ah oui. Comme faut, puis pour l'entretien, c'est plus facile aussi. Si t'as besoin de passer un fisher, comme on appelle, là, pour déboucher un tuyau à cause du gras ou des cheveux ou tout ça, là. Tu vas moins les rafler. Ah ben oui, il coûte combien de plus? Ça coûte quand même un peu plus cher, oui. C'est un peu plus cher, et ça coûte un peu plus cher pour l'installation aussi, parce que il faut que tu fasses du soudage pour joindre deux bouts. À l'étain. Alors que le PVC, c'est des bagues que tu vas pouvoir visser, puis que tu vas imperméabiliser. Donc oui, il y a un coût supplémentaire. Ça veut dire qu'on se fait tout fourrer dans nos condos. Quand ils nous mettent du PVC, c'est pas bon. On devrait tout exiger des tuyaux de cuivre, payer un peu plus cher, ça durerait plus longtemps. J'ai parlé avec quelqu'un d'autre que M. Foster là-dessus. Il dit, vous vous faites pas fourrer, mais votre beau condo, si vous voyez ce qu'il y a en arrière des murs, vous verriez peut-être comment ça se fait que le promoteur peut vous le vendre moins cher. Et cette personne-là m'a dit aussi, regardez les problèmes que bien des gens ont à s'assurer dans des condos. Ouais. C'est justement à cause de certains dégâts qui sont peut-être lié à une qualité inférieure de ce qui ne saute pas. On doit ajouter aussi, Sylvain, la vitesse d'exécution du PVC comparativement au cuivre. Il y a un enjeu. Quand tu veux te bâtir, tu t'es pressé de rentrer dedans, envoyer ça en PVC, t'économises un mois. Mais c'est pas normal. Ben, peut-être que c'est nous autres qui peut-être juste te faire entendre. Mais c'est pas normal que les appartements pour les BS soient mieux que les c'est la question que je pose à M. Foster. C'est la deuxième extrait que je veux te faire entendre. Je demande à M. Foster, est-ce que les occupants de votre HLM se retrouvent avec un logement qui est mieux qu'un condo de luxe? Ben oui. Il y a des choix qu'on a fait, entre autres, au niveau de certains systèmes comme la plomberie. On va prendre des systèmes qui sont vraiment de meilleure qualité. Donc, lorsqu'il y aura une problématique, il est clair qu'on va être capable de faire un entretien qui est conforme, puis s'assurer que dans 35 ans, ce bâtiment-là, qui est un bien social, là, soit encore conforme. Alors, tu vois, il dit, par exemple, pour le revêtement de sol, on pourrait choisir quelque chose de moins cher, mais s'il faut que tu le sables puis que tu le revernisses trois fois par année, ouais, vas-tu être vraiment gagnant? Il dit, pense, non, pour un organisme municipal, tu penses sur le long terme. Les BS ont plus d'avenir que nous. Si je comprends bien, l'avenir des BS est beaucoup plus assuré que notre avenir à nous, alors qu'ils gaspillent, ils dépensent ça avec l'argent des autres. Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, te donner un exemple. Oh, moi, là, j'en connais des HLM à Québec, là. Oui. C'est tout asphalté, les stationnements. Qu'est-ce qui laisse pas ça sur le gravier ou la petite roche? Moi, je passe dans des rues, là, par chez nous ou ailleurs, là. C'est plein de petites maisons, là, pas trop chères, OK? Je reste pas dans un quartier, là, de riches, là. Le nombre de cours pas asphaltés, il y en a plein. Souvent, dans une rue, la majorité, quand ça vient de se bâtir, moi, je le sais, là, pour avoir déjà vécu ça, un petit jumelé, souvent, t'attends 2, 3, 4 ans, parce que bon, ça coûte trop cher. Non, faut que t'attendes que le sol se tape. Ouais, sinon, aussi, ça va gondoler. Mais des fois, c'est des questions de budget, là. Mais moi, whatever, regarde juste comment dire... ça se fait qu'ils asphaltent les cours? D'abord, ils ont des chars, eux autres. Ils ont besoin d'un vaste stationnement, d'un HLM. First. Deuxièmement, faut qu'ils soient asphaltés. C'est quoi, eux autres? Ils sont pas capables d'endurer la poussière un peu? Tu me trouves-tu un HLM à Québec avec une cour en... Monsieur Foster m'a dit, faut pas imaginer que ces logements-là, c'est le luxe à l'intérieur. Ah non, mais on peut... Il y a pas de luxe architecturel. Parfait. Mais sur les systèmes intérieurs, la plomberie, okay, la ventilation, puis justement les revêtements de sol, t'es mieux de choisir quelque chose de durable parce qu'à long terme, vu que lui, il cherche pas à faire un coup d'argent à court terme, il faut que tu sois capable de rentabiliser ça. Je comprends ça, mais on peut-tu les voir? Ah oui, je pense pas qu'il y aurait un problème de les voir. Je l'ai pas demandé, mais je pense pas qu'il y a... OK. Ah ouais, appelle. Moi, je pense qu'ils vont dire non, là. OK. Si oui, là, go. Organise une visite, prends des photos. Check les armoires, tout, t'as le sol, etc. Voir s'ils ont vraiment cherché à mettre ce qu'il y a de plus cheap. Peut-être pas de plus cheap, attention. L'enjeu, c'est ça. Faut que ça t'offre. Ils pensent pas en termes de vente. Ils le refassent constamment. Je comprends ce que tu veux dire. Moi non plus, je veux pas que les gens aient quelque chose de mieux dans un logement subventionné que ce que moi, je suis capable de me payer sur le marché. Je te suis. Mais en même temps, l'exploitant de l'organisme municipal, lui, il faut qu'il pense à long terme. Okay. T'es pas regagnant s'il faut que tu recasques encore plein de chiffres. Non, je comprends. Parce que le BS va rester là longtemps. C'est ça. Il va être là longtemps. Si c'est pas lui, il va en avoir un autre. Il y a du BS à long terme. On pense pas c'est que... C'est un dans bien public. Il faut que ça dure 35 ans. On prévoit... On prévoit pas d'extension de besoin. Ouais. C'est comme ça qu'on peut le dire. Ça devrait être en PVC parce que dans 5 ans, il devrait tout travailler. La preuve est établie selon tes recherches, Mathieu, que, effectivement, le PVC a rien à voir en durabilité avec le cuivre. C'est la preuve est établie. C'est clair. Et non seulement pour la durabilité, mais pour l'insonorisation aussi. Monsieur Foster me dit, par exemple, tout ce qui est vertical, c'est de la fonte. Tout ce qui est horizontal, c'est du cuivre. Et si, à un moment donné, quelqu'un décide de mettre un cadre dans sa salle de bain, mettons, tac, tac, tac, cogne un clou, perce un trou, et là, ça scrape complètement l'insonorisation. Et si c'est du PVC, il dit, je te gage qu'il y a du monde qui va se lamenter du bruit pendant la nuit. Okay. Donc, les BS... Alors que la fonte, c'est pas un problème pour ça. OK. Donc, les BS sont mieux isolés, mieux protégés, mieux tout ça. Je comprends la partie de... On va le faire à long terme, mais l'insonorisation... C'est fondamental. Mais l'insonorisation, c'est quoi? Les oreilles des BS... L'insonorisation, c'est un bénéfice marginal. On cherchait pas une meilleure insonorisation, mais on remarque que la fonte, en plus de s'entretenir mieux à long terme, d'être plus durable... Ils disent-tu quand ils font visiter? Bonjour, bienvenue dans vos appartements de BS. Vous allez avoir une meilleure isolation en passant. Si quelqu'un pète un câble, etc., vous êtes mieux isolé. Votre cuivre, toute votre tuyauterie est en cuivre. Vous allez pouvoir rester ici pendant 35 ans sans aucun d'avoir à payer pour rien ou des travaux, etc. Moi, je trouve ça injuste. Je comprends ton point, puis je le renie pas. Je trouve qu'il y a une forme d'injustice là-dedans, et je suis pas sûr qu'il y a pas autre chose quand tu gères l'argent des autres où il y a pas un peu d'exagération. Mais ça, sur le cuivre, il y a des arguments. Je sais que les employés sur place semblaient découragés d'autres choses. Là, si vous avez des infos, 670-9330. Il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres... On vous a livré ce qu'on a. 670-9330. Si vous avez habité là-dedans, si vous circulez dans ces endroits-là, ou si vous avez travaillé dans la construction, avez-vous été témoin d'autres choses qui vous apparaissaient injustes? Au niveau des matériaux, au niveau de ce qu'il y a, de la cuisine, de je sais pas. Mais en même temps, quand on examine l'utilisation des fonds publics, c'est pas un mauvais argument que de dire « vaut mieux acheter pour le long terme, si t'es pour l'avoir longtemps ». Ouais. C'est ce qu'on fait dans notre vie. Jean-Pierre, salut. Oui, salut. Je voulais juste apporter une petite précision, mais non. HLM, c'est pas juste du monde qui sont sur l'aide sociale. Parfois, il y a des monoparentales qui travaillent au salaire minimum et qui peuvent pas se payer un logement normal. Ouais. Il y en a également qui sont invalides, simplement. Moi, j'ai commencé dans la vie, justement, dans un HLM. Il y avait rien de luxueux. C'était un 4,5 sur 2 étages au coin de Dambourgès et de la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Port. Oui, de l'extérieur, ça a une allure condo parce que c'est brique, puis c'est fait justement pour du long terme. Mais à l'intérieur, il n'y a absolument rien de luxueux pour le confort. C'était sur deux étages, mais les chambres étaient petites. Moi, dans la chambre de mes enfants, il fallait même que je mette un bureau par-dessus un autre, question de commodité. Donc, faut que tu fasses attention. C'est pas seulement des BS qui sont à l'intérieur. Mais ça demeure, je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre, puis je le reconnais, mais ça demeure des logements subventionnés. Qu'on subventionne quelqu'un qui travaille pas, ou un qui travaille, puis ça, je respecte ça, mais qui m'arrache un peu, puis ça demeure des logements où les autres payent une partie du coût, puis on est prêt à le faire. Mais je me demande si la personne, mettons un privé qui bâtit un bloc appartement aujourd'hui, c'est son bloc à lui, là. Il veut qu'il dure longtemps, lui, avec. Là. L'argument de la durabilité est là. Pourquoi il met pas les tuyaux de cuivre aussi? Lui et tout, il va penser au profit, mais il risque de le revendre à un moment donné pour faire un profit, tandis que le HLM, il est là pour la vie, parce que c'est pour le social, puis c'est la durabilité qui doit primer, histoire de pas avoir à repayer pour des rénovations. Quand on investit du pas cher, puis il faut que tu repayes des fois le même prix dans quelques années, au lieu de payer là à prix quand même un peu plus élevé, mais qui va durer plus longtemps. C'est ce qui doit primer la durabilité. Merci, Jean-Pierre. Oui, c'est quoi, Mathieu, c'est bonne journée. Ça, l'autre personne là, qui connaît bien le marché de l'immobilier à qui je parlais me disait, c'est pas pour rien que les assureurs sont de moins en moins intéressés à assurer les condos. C'est parce qu'il dit les immeubles sont construits rapidement avec des matériaux pas de mauvaise qualité, mais qui se comparent pas avec du cuivre ou de la fonte dans le cas de la plomberie. C'est vendu à des gens. Après ça, les frais de condo, on les garde très bas. Donc les gens ont l'impression de faire une bonne affaire. Ils achètent quelque chose. Je te disais tantôt, je sais pas si c'est les condos, c'est les autres condos qui sont pas corrects ou whatever. Mais moi, je trouve que c'est anormal que les condos HLM, où il y a entre autres DBS, soient mieux bâtis. Tu me suis? Je te suis. C'est mon point. C'est un a priori qu'on comprend. Ça a aucun bon sens. Maintenant, si tu me dis, ouais, mais du côté de la ville, ils font ça pour la durabilité, parce que c'est payant à long terme. Qu'est-ce qu'on dirait d'une organisation qui aurait construit cheap et qui serait pognée avec des infiltrations ou je ne sais trop quoi? On dirait, hey, vous êtes bien incompétent, vous avez construit quelque chose, ça t'offre même pas 5 ans. Ouais. Hey, j'ai un autre point là-dessus, sur les tuyaux, je comprends. Sur la localisation, peux-tu en parler un peu? Ben oui. Derniers HLM qui ont été bâtis, il y en a un qui a été bâti à Sillery. Là, celui-là, il est au coin d'Orchester et... Prince-Édouard. Ça s'appelle la Canopée. Okay. Quand tu rentres en ville, là, t'es passé en dessous de la passerelle sur leur ancienne, là. Ouais. Passé le poste de police, tu rentres en ville, c'est ça. C'est pas loin du stade, c'est un petit peu plus haut. Okay. T'as un beau secteur, t'es pas loin de Saint-Roch. Oui. Il doit valoir assez cher dans ce coin-là, la valeur du pied carré. C'est encore drôle. Ça dépend exactement où, là. Ouais, je sais que dans ce coin-là. C'est très centre-ville, c'est pas le coin le plus recherché, je pense, mais ça se développe dans le coin de Saint-Roch. OK. C'est parce que mon point est, je sais que quand il est question d'HLM, etc., ils mettent ça au centre-ville, proche de tous les services. Leur argument, c'est des gens démunis. C'est près de l'autobus, ça, c'est certain, c'est indéniable. Ouais. Mais la valeur du terrain est quand même chère, là. Au centre-ville, ça vaut cher. Pourquoi ils mettent pas les HLM dans le fin fond? C'est-à-dire, dans des terrains qui coûtent moins cher. Pourquoi il faut absolument les situer aux meilleurs endroits? Des fois, c'est une question de requalification des immeubles existants. La Canopée, avant, c'était un immeuble de fonctionnaires. Écoute, ils ont rénové ça de fond en comble. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était là. Mais ça, j'ai déjà posé la question. Là-dessus, je l'avais fait le débat à un moment donné quand il avait bâti à Sillery puis ailleurs au centre-ville. Je disais, pourquoi vous les envoyez pas? Il y a des terrains à Charlebourg, Beauport, en haut, pas mal moins cher. Là. Ouais, mais la réponse, on n'est toujours bien pas pour les mettre là. Vous imaginez-tu, il y a moins de services de proximité, il y a moins de monde, sont moins dans... Voyons donc. Ben, c'est parce que moi, je connais du monde qui travaille, qui se bâtissent très loin de la ville, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un terrain au centre-ville ou un condo. Hier, j'étais dans le vieux, puis je jasais justement avec des amis de comment ça coûte avoir un condo ou de quoi dans le secteur du centre-ville à Québec. C'est extrêmement cher. Moi, j'ai magasiné dans ce coin-là avant d'aller rester dans le Bourgneuf. Mais pourquoi il faut tout le temps qu'ils soient situés au centre-ville, proche de tout? Ben, je sais pas s'ils sont tout le temps, mais je sais que le concept qui est très en mode, c'est la fameuse mixité sociale. Exact. C'est-à-dire que tu les installes là où tout le monde voudrait aller pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde dans les endroits qui sont prisés. Ça, j'ai de la misère avec ça. On va prendre quelqu'un qui s'appelle. Il est 8h25, rapidement. Alain, salut. Je vous écoute. Oui, salut, Sylvain. Il y a une chose qui a pas été mentionnée concernant les conduites de cuivre. Je sais que la régie du bâtiment, dans ce qui concerne les bâtiments commerciaux ou des logements multiples, on se doit d'installer de la tuyauterie en cuivre et en fonte. C'est obligatoire pour la sécurité des gens. Parce qu'en cas d'incendie, le tuyau ABS ou le tuyau de PVC dégage une fumée intense qui pourrait nuire à l'évacuation et à la sécurité des gens. Okay. En plus d'émaner certains gaz qui sont très dangereux. Là. Ouais. On s'entend que quand il y a un incendie, c'est surtout la visibilité, l'accès aux sorties d'urgence qui est importante. Okay. Puis la raison principale pour laquelle, dans des logements multiples, il est installé du cuivre, c'est pas une question de leur donner un peu plus, c'est une question de sécurité d'abord et avant tout. Mais j'espère, votre point est très bon, donc j'espère que dans les autres immeubles, édifices, à loyer, etc., pour tous les cols rouges et autres, qu'ils mettent la même chose. Ah, ça sera à vérifier, ouais, mais c'est ça le bon point. Au niveau de l'office municipal, okay. Ils se doivent d'installer de la tuyauterie de cuivre. Il y a simplement lorsqu'il va y avoir des réparations mineures qui est autorisé dans des endroits commerciaux ou des logements multiples d'ajouter un élément en ABS. Mais okay. C'est vraiment dans des réparations mineures. Je peux peut-être ajouter là-dessus. Merci, Alain, merci beaucoup. Effectivement, tout ce qui est visible, là, c'est-à-dire, mettons, le dessous de l'évier qui est accessible facilement, c'est du PVC. Mais c'est les systèmes intérieurs. Ce que tu peux pas voir, ce qui est pas apparent, ce qui est caché par un mur, là, on y va avec du cuivre puis de la fonte dans okay. la canopée. Donc, ces gens-là ont fort probablement des tuyaux plus durables et plus sécuritaires. Assurément. Assurément. Pas peut-être. Assurément. Que le commun des mortels. C'est injuste. 8 heures, mais je comprends la problématique. Studio à commercialfm93.com si vous avez de quoi à rajouter là-dessus. 8h27. FM 93, un duo choc. Le